sûr là. Ouais mais Partout joie et misère accompagnent nos êtres. Partout sur cette terre, c'est parce que le soleil se lève, que partout le soleil se lève. Partout le soleil se lève. Même angoisse, même peine, même nuage dans ce ciel, même attente d'un nouveau règne, c'est parce que le soleil se lève. Partout le soleil se lève. Ma sirène, toi mon ange éternel, c'est toi mon phare, ma lumière, c'est parce que le soleil se lève, c'est pour toi que le soleil se lève. Ça donne quoi ?